Spielern. Oh my baby. I must be crazy. My baby alone in Babylon. Pas c'est beau. Possibly me, de l'autre côté, au pied du volcan, c'est chaud. Probably not. Thank you.